50 languages. 40. 40. 40. الاتجاه الصحيح. Demandez le chemin. Demandez le chemin. عفوا. عذرا. Excusez-moi. Excusez-moi. بإمكانك مساعدتي؟ Pourriez-vous m'aider؟ Pourriez-vous m'aider؟ أين أجد مطعما جيدا؟ Où y a-t-il un bon restaurant aux alentours؟ Où y a-t-il un bon restaurant aux alentours؟ انعطف على يسارك عند الزاوية. Tournez à gauche au coin de la rue. Tournez à gauche au coin de la rue. ثم سر قليلا على طول. Ensuite, allez un peu tout droit. Ensuite, allez un peu tout droit. وبعد 100 متر على اليمين. Faites ensuite 100 mètres et tournez à droite. Faites ensuite 100 mètres et tournez à droite. بإمكانك أن تستقل الحافلة أيضا. Vous pouvez aussi prendre le bus. Vous pouvez aussi prendre le bus. أو يمكنك أيضا أخذ الحافلة الكهربائية. Vous pouvez aussi prendre le tram. Vous pouvez aussi prendre le tram. وبإمكانك أن تسير خلفي. Vous pouvez aussi me suivre en voiture. Vous pouvez aussi me suivre en voiture. كيف أصل إلى ملعب كرة القدم؟ Comment vais-je au stade de football? Comment vais-je au stade de football? عبر الجسر. Traverser le pont. Traverser le pont. عبر النفق. Passer par le tunnel. Passer par le tunnel. سر حتى الإشارة الضوئية الثالثة. Aller jusqu'au troisième feu de signalisation. Aller jusqu'au troisième feu de signalisation. ثم انعطف بعد الشارع الأول نحو اليمين. Tourner ensuite à la première rue à droite. Tournez ensuite à la première rue à droite. واستمر مباشرة حتى التقاطع القادم. Continuez ensuite tout droit au prochain carrefour. Continuez ensuite tout droit au prochain carrefour. عفوا, كيف أصل إلى المطار؟ Excusez-moi. Comment vais-je à l'aéroport? Excusez-moi, comment vais-je à l'aéroport? الأفضل أن تستقل قطار النفق. Le mieux, c'est de prendre le métro. Le mieux, c'est de prendre le métro. تابع السفر حتى المحطة النهائية. Descendez simplement au terminus. Descendez simplement au terminus.